Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. T'es silencieux aujourd'hui, Guillaume? Ouais, c'est parce que je suis gêné un peu. Mais comment ça t'es gêné, là? Je veux dire, on se voit ici à toutes les semaines. C'est parce que je te trouve pas mal beau aujourd'hui. Ben voyons donc, qu'est-ce qui a changé? Je pense que c'est ton gilet. Qu'est-ce que tu portes, Maxime? Je porte un chandail mauve avec un château dessus écrit Lipra. La Lipra, qu'est-ce que c'est ça? C'est ma ligue d'impro. C'est aussi ta ligue d'impro. C'est ma ligue d'impro, la Lipra. C'est quand, la Lipra? La Lipra, c'est le lundi à 19h30 à toutes les semaines. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons avoir de la bière. Ben voyons donc, de la bonne bière froide en fût. Oh non, pas en fût, en bouteille! En bouteille! Encore mieux! Fait que si vous aimez entendre nos voix, ben vous pouvez venir nous voir, nous entendre en plus avec des simagrées! Ouais, nos beaux visages dodus avec un peu de barbe, ça se passe à 19h30 à la salle P2 du Patro Rocamado. On vous y attend! Pra, pra, pra! Fait que grosse semaine, Maxime! Ouais, pour vrai, j'arrête pas de faire du temps supplémentaire à job, je suis un petit peu tanné. C'est nécessaire, là, je veux dire, c'est très important parce que on livrera pas le projet si on le fait pas. Mais cette semaine, j'ai travaillé 6 jours en ligne, puis le mercredi, j'ai travaillé le soir aussi. Oh, fait que normalement, je fais 35 heures par semaine, puis cette semaine, j'en ai fait comme 45. OK. Fait que c'est quand même pas mal. Ouais, mais c'est obligatoire, ça? C'est pas obligatoire, mais si je le fais pas, ça serait pas gentil pour mes patrons. Ouais, nécessairement. T'es altruiste dans la situation. Ouais, puis en même temps, ben, ils me payent, là. C'est pas, non, c'est pas dans c'est le pas bide, du temps perdu. Puis, temps supplémentaire, j'imagine que t'es payé temps et demi. Ah, je mettrai pas les détails de mon temps supplémentaire sur la table, là. Mais oui, c'est fort respectable. Bon, ben, c'est merveilleux. Puis toi, grosse semaine? Hey, cette semaine, j'ai fait des affaires complètement capotées. D'abord, je tiens à dire, ça fait 3 mois que je suis avec Rosalie. Chantante à Rosalie. Encore. On fait des chantantes à Rosalie à toutes les semaines. Faudrait peut-être l'inviter un moment donné. Je sais pas, peut-être qu'elle va venir un beau jour dans notre maison de campagne au 17 Avenue des Pins. Mais pour l'instant, cette semaine, Rosalie pis moi, on a décidé de partir à l'aventure. Sans savoir ce qui vous attend. On est revenu du placard, on a passé la porte en courant et on a traversé le Saint-Anne de Beaupré, Château-Richer, l'Ange Gardien, Bois-Châtel, Courville, Montmorency, Beauport. On a fait tout ça, 7 heures de route avec nos packs sacs. Puis on a fait une grosse randonnée, Rosalie pis moi, cette semaine. On s'est un petit peu, comment je dirais bien ça, magané les jambes à travers cette aventure. Mais ça a été complètement fou. C'était pour fêter nos 3 mois ensemble qu'on a décidé de faire ça. Tu sais, il y en a qui vont manger au restaurant. Ben, nous autres, on a mangé au restaurant aussi. Ben là, j'espère, après, dans 7 heures de route, là, il va y avoir au moins un repas là-dedans. On n'a pas eu le temps de faire à manger pour le souper. Là. Sinon, si on aurait mangé à 8 heures le soir, ça aurait pas eu de bon sens. On était complètement claqués. Surtout en faisant de la marche. Là, ben, exactement. Parce qu'on est parti avec un pack sac, on a fait de la salade, on a amené des bartendes, des jus de légumes, puis du lait au chocolat, puis toutes sortes d'affaires là, ben funky. Puis là, on s'est arrêté en chemin en dessous de Jésus-Christ parce qu'on est arrêté où une église là. La basilique Saint-Anne. Non, c'était à Château-Richer. Ok. Fait qu'on s'était assis en dessous de Jésus-Christ, puis on a mangé là. Puis après ça, on est parti, on s'est arrêté aussi à quel endroit? C'est dans un jardin du Petit Pré que ça s'appelait. Ah oui! Chantante au jardin du Petit Pré. Y avait-tu un Petit Pré dans le jardin ou le jardin est situé dans un Petit Pré? Et sur la rue du Petit Pré. Ah, c'est la rue! Fait que la rue contient un Petit Pré et contient aussi un jardin. Oui, exactement. D'accord. Fait qu'en fin de compte, on est arrêté là, acheter un petit casseau de fraises et revitailler notre vessie parce que... Ça passe vite un casseau de fraises quand tu marches puis t'en achètes un. C'est... Mais en fait, on l'a mangé assis, on marchait pas quand Ah, pour vrai? Ouais. Moi, une fois, j'étais en France, puis là, je me promenais tout seul parce que je restais chez mon amie, puis elle... France Castel. Non, c'est pas France Castel! Jean-Thomas Jobin puis Thureya, c'est un peu jaloux de moi si j'étais avec France Castel, là. Je fais plus ça, moi. Mais non, j'étais en France, puis là, je restais chez mon amie, puis là, elle a travaillé cette journée-là, fait que j'ai dit, ben, je vais visiter sa ville à pied. Ah, tu sais, c'est vraiment une ville de campagne. C'est comme si j'étais à Neuville, mais en France. C'est vraiment campagne. Okay. Puis là, je me promenais un peu partout, là. Je marchais dans des chemins que je connaissais pas. Puis à un moment donné, il y avait une ferme. Okay. Mais là, la ferme était comme loin du chemin, mais sur le bord du chemin, il y avait une machine distributrice. C'est vrai? Tu pouvais genre mettre de l'argent puis là acheter des casseaux de fraises, du lait, des œufs. C'est comme une épicerie dans une machine. Ben oui. C'est badass à moi, mort, c'est cool. J'arrêtais là, je me suis acheté un casseau de fraises. Pas le temps de me rendre chez mon ami, je l'avais tout mangé. Ben oui, ça passe tellement vite. On a dû le manger en à peu près 4-5 minutes, le casseau de fraises, pour vrai. Là. Ben, il était très très bon. Tu sais, quand tu vas à l'épicerie, des fois tu prends un casseau de fraises, puis là les fraises sont comme un petit peu amères, moins, mais ils sont molles, ils sont comme moyens, tu sais. Là, sont fraîches. Ils sont fraîches, exactement. Ben, sont en même temps, là, c'est, des fraises d'automne, là. Ça pourrait pas pareil. Là. Exactement. C'est vraiment. Ce qui fait cool. Qu'on a profité de notre casseau de fraises. Après ça, on s'est arrêté à Chute Montmorency, à regarder un peu le paysage, puis se reposer un peu. Rosalie commençait à avoir mal un petit peu à la hanche, au genou. Moi aussi, j'avais les jambes fatiguées, rendues à ce temps-là. Ça fait déjà 6 heures qu'on marchait, là. Ça avait plus de bon sens. Puis après ça, là, en soirée, tu sais pas ce qu'on a fait. Non, qu'est-ce que vous avez fait? Au restaurant, je te l'ai dit, ben, Maxime. Je le sais, mais je pensais que tu parlais d'autre chose. Non, on est allé au Gros Luxe. Quel festin? Non, le Gros Luxe. C'est quoi le Gros Luxe? Le Gros Luxe, c'est un petit restaurant sur Miran qui est vraiment très très chouette. C'est pas... Tu proche du Temps Perdu? Oui, c'est à côté. Ah, ok. C'est à côté. Les menus sont pas très très chers, l'ambiance est super cool, c'est comme un petit peu rustique comme ambiance, des chemises carottées. En fin de compte, le serveur il vient nous voir, il pensait que j'étais une fille, vu que j'étais de dos, j'avais une chemise rose avec des cheveux longs, il dit bonjour mademoiselle, je fais comment mademoiselle, c'est drôle, je suis pas une mademoiselle moi. Fait qu'en fin de compte, ce qui arrive c'est que on mange, tu sais. Fait que j'ai pris une bonne soupe à l'oignon gratinée, moi j'adore la soupe à l'oignon, puis je pense que c'est une des meilleures que j'ai mangées. J'aime beaucoup la soupe à l'oignon, j'aime pas le fromage, mais c'est ça qui est un peu plate, la soupe à l'oignon. 80% du temps est gratiné. Mais elle était pas gratinée, c'est moi qui ai fait rajouter le gratin. Cool. Tu l'aurais vraiment aimé parce qu'elle était quand même épaisse, je pense, la soupe, comparativement à une soupe à l'oignon. Je me demande si j'ai pas déjà été à cette place-là, parce que je me souviens que cet été, j'ai mangé une très très bonne soupe à l'oignon, puis que j'ai été faire des auditions d'impro dans un resto-bar sur Miran. Ok. Peut-être c'était là. Peut-être c'était là. Pas sûr. Qui sait? Qui sait? Puis après ça, j'ai mangé un burrito. Puis le burrito était vraiment excellent et très gros. Si tu vas au Gros Luxe, tu te prends un burrito, c'est genre, t'as même pas idée comment, parce que le burrito, il est gros, il est nourrissant, puis j'étais plein après mon burrito. Rosalie a pris une espèce de grilled cheese avec une poutine à l'intérieur, ça s'appelle la poutine grilled cheese, puis c'était tout petit, elle avait encore fait après. Mais c'est la poutine grilled cheese, c'est pas le grilled cheese poutine, parce que le poutine est dans le grilled cheese. C'était peut-être le grilled cheese poutine, mais peut-être que j'ai l'inverse. Je pense que c'est l'inverse, parce que ça serait plus... une poutine avec des morceaux de grilled cheese dedans, si c'était une poutine grilled cheese. T'as tout à fait raison. Ce qui fait qu'après ça, ben on est rentré, on a dormi, puis c'est ça. Ça faisait 3 mois, on était bien heureux, puis on a célébré à notre façon notre 3 mois d'amour et de paix commune. Hey, c'est vraiment cool ça. Hey, j'ai 3 commentaires à faire sur ton histoire, fait que j'ai vraiment envie de parler. Fait que vas-y. Je vais y aller dans l'ordre. Premier, le seul problème avec le Gros Luxe que je trouve en ce moment de ce que tu me décris, c'est que c'est sur Miran, puis que juste à côté, il y a le Temps Perdu qui a de la vie de château en fût, puis c'est la meilleure bière au monde. C'est vrai? Oui. Puis c'est la seule place que je sais où est-ce qu'il y en a en fût. OK. Fait que c'est le seul problème. Fait que tu peux aller manger là, mais faut absolument que tu arrêtes après d'aller te prendre une vie de château en fût, parce que c'est vraiment... Je suis jamais allé au Temps Perdu. C'est vraiment cool. Je sais que c'est à côté. C'est vraiment cool. Je sais que ça existe, puis qu'il y a plein de monde qui me disent « C'est vraiment une belle place, c'est tu devrais y aller, l'ambiance est cool. » C'est ça. Juste pour le fait qu'il y a de la vie de château en fût, ça vaut vraiment la peine. OK. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est... Ton histoire me fait penser un peu à... Une fois, quand j'étais en Suisse, on était monté en haut du mont Cardada. Mais c'était avec... juste genre bragging rights. J'étais allé en France, j'étais allé en Suisse. Même pas, c'est... Non. C'est même pas ça. On est monté en haut du mont Cardada, mais en téléphérique. Oui. Puis ça, c'est vraiment haut. Je pourrais pas dire, là, mais c'est genre... 15 000 pieds, là. Okay. C'est vraiment haut. Peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais je pense que c'est logique. En tout cas, c'est vraiment une très, très haute montagne, mais on l'a descendu à pied. OK. Ça nous a pris 6 heures descendre c'est la vrai? Montagne. Mmh. On est parti, il était genre 1 heure, on arrivait en bas, il était 7h30, puis on avait les jambes qui shakaient. Ben, on descendait tout le long. Je pense que c'est ce qui a tué le plus, parce qu'à un moment donné, il y avait des travaux sur l'avenue Royale, fait qu'il a fallu qu'on descende la côte de l'église, puis je pense que ça a été le pire bout, parce que quand tu descends, ça donne toujours des chocs dans les genoux. Ben, hein? C'est ça. C'est de l'asphalte, fait que c'était vraiment... C'était vraiment le pire bout, fait que tu sais, je te comprends. Ben, imagine tu dis, là, descendre ça pendant 6 heures. 6 heures. Ah ouais, c'était genre, 17 km qu'on a marché là. Ton dos devait faire mal à la fin de ça. Le dos, c'était pas si pire parce qu'on était pas, parti lourd là. Ah, okay. Mais les jambes là, ils pouvaient plus là. Les jambes, ils shakaient juste à marcher. Fait que c'était rough, mais ça, ton histoire m'a fait penser à ça. Okay. On est un peu téméraire, je pense, en marche. Troisième point? Hey, le troisième point, je l'ai oublié. Je me sens mal. C'est vrai? Oui, c'est ben, plate. Voyons. En tout cas, si ça me revient, je te le dirai, là, mais c'était vraiment important comme point. Ah, c'est cool. Cool. Mais là, fait que... Tout ça, ça, c'était ta semaine, mais là, moi, j'ai pas encore raconté ma semaine. Non, mais c'est pas grave. Prends le temps qu'il faut, y a pas trop. Je vais faire ça vite, ok. Vas-y, hier, j'ai été manger au Scores avec ma blonde, Cathy. Chantante à Cathy. Chantante à Cathy. Ça l'aide, il faut faire des chantantes quand on parle de quelqu'un. Tout le temps. Avec notre cousin David. Chantante à David. Vous checkez sa chaîne. Oui, Super Mega Dave. Allez liker sa page Facebook, c'est vraiment cool. Ouais, ça s'appelle Super Mega Dave. Puis il fait des vidéos de hockey. À date, on parle CH, puis il fait beaucoup de stream. Ok, stream. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça, il jouait à Crash Team Racing. Ouais. Incroyable. Puis c'est ça. Puis avec aussi Marie-Angélique, qui est la blonde à David. Fait que shout-out à Marie-Angélique! Shout-out à Marie-Angélique! Cool! Bon, maintenant que j'ai fait toutes mes shout-outs, c'est ça. Fait qu'on était manger là-bas, je checkais le menu, là j'ai dit, des côtes levées, ça serait bon. Mais en fait, à base, je voulais le bar à salade. Parce que c'est vraiment bon le bar à salade. Oui, c'est la deuxième fois que j'avais mangé au Score cette semaine, alors que je vais jamais là. Puis là, le midi. Parce que j'ai été le midi. Non, c'est juste 10$, c'est pas si pire. Ah, ok, quand même. Fait que si tu prends le bar à salade, c'est juste 10$, puis t'as de la soupe, des fruits, de la salade, puis des protéines. T'as tout. Ah, ok, c'est quand même nice. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que je voulais le bar à salade, mais je me disais, ça serait cool de prendre autre chose avec. Puis là, les côtes levées, c'était inclus avec. Je me disais, je vais prendre ça. Puis là, finalement, je vois le menu spécial d'automne, puis là, t'avais une saucisse, puis de la choucroute en plus pour 1$. J'étais comme, c'est 1$ bien investi, de toute façon. C'est sûr que je mangerai pas tout parce que j'ai le bar à salade. Fait que là, je peux le prendre comme lunch. Fait que c'est un investissement en plus. Ouais, mais oui. Fait que je me suis dit, je vais faire deux repas pour 17$. Ça vaut la peine. C'est vraiment cool. Mais là, je reçois ça. Ben en fait, le temps qu'ils préparent le repas, nous, on prend le bar à salade. Je vais prendre une soupe qui était de la soupe de poulet royal. Une crème de poulet royal. Je sais pas où c'est qu'ils ont trouvé. Je sais pas pourquoi le royal me chicote présentement. Mais je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé un poulet roi. Déjà, il est où le royaume des poulets? C'est la soupe ou le poulet qui est royal? Ben, c'est tout de suite après poulet, pis y a pas de virgule. Fait que je pense que c'est laissé ambigu. Mais pour moi, moi je crois comme. Moi je pense qu'ils ont découvert le royaume des poulets, pis ils ont tué le roi, pis ils ont fait une crème avec. Mais en tout cas, elle était vraiment bonne. C'était tellement bonne que David a été s'en prendre une après parce qu'il a fait hey mon dieu, ça a l'air vraiment l'air bon. C'est pas ça que je veux raconter. Et là, je finis de manger, je reçois mon assiette, goûte aux côtes levées, c'est bien bon, goûte aux saucisses, c'est bien bon. Prendre la choucroute, c'est bizarre, mais moi j'aime ça la choucroute. Je veux pas faire mon bragging rights, mais tu sais, j'ai été j'étais en Allemagne aussi qu'en fond, ça vient de là, la choucroute, puis j'aime vraiment ça, j'en ai goûté de la vraie puis tout. Fait, je sais c'est quoi ça goûte. Okay. C'est comme quand tu prends une Guinness ici et une Guinness en Irlande, c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que j'ai déjà été prendre une Guinness en Irlande, c'est vraiment pas pareil. Là, parce que c'est vrai. C'est vraiment pas pareil. Mais là, colique, là, tu me déranges. De la choucroute. Choucroute. La choucroute. Je prends mon. Fait que là, je trouve ça bizarre. Je reprends une autre bouchée avec la saucisse. Je trouve ça encore bizarre. Puis là, je la sens, puis je suis comme. Elle sent la cigarette. J'étais comme, mon dieu, ça sent la cigarette, ça se peut pas. Fait que j'ai dit ça aux autres, ils sont comme, j'ai une petite croûte dans la cigarette. J'ai comme, je vous jure, je l'ai fait sentir à 4. J'ai comme, mon dieu, ça sent le fond de cendrier. Je l'ai fait sentir à Marie-Angélique, à David, pis les trois, ils sont comme, oui, ça sent la cigarette, c'est dégueulasse. Ils ont-tu servi un fond de cendrier? Ben là, je sais pas, là. Fait que là, la serveuse arrive, je dis, excuse, là, mais ma choucroute, elle sent la cigarette. Puis là, elle est comme. J'étais comme, tu veux-tu sentir? Elle dit, non, là. Tu veux-tu qu'on t'a remplace? C'est la même batch. Puis là, j'étais comme, non, là, je vais laisser dans mon assiette, je vais manger le reste. Ben, je vous le dis, là, votre choucroute, elle est bizarre. Ok. Ben, comme, je vous jure, il y a personne qui fume dans notre cuisine. Ben, je te crois peut-être, mais ta choucroute est dégueulasse. Puis un cuisinier qui est comme passé, qui est comme, ah, vous savez, là, de la choucroute, c'est un goût particulier. Je sais c'est quoi, de la choucroute. J'aime ça, de la choucroute. Elle était dégueulasse. Puis, je veux pas chialer contre le Scores, parce que j'aime quand même ça, mais sérieusement, là, j'ai jamais été dans un restaurant, c'est que j'ai mangé quelque chose d'aussi pas bon. Ok. Tu sais, d'habitude, des fois, c'est pas terrible, des fois, c'est ordinaire, mais là, c'était vraiment dégueulasse. Ok. Puis, je peux pas croire qu'il m'ait servi ça, puis qu'il y a personne qui parlait d'autre dans le resto. Tu sais, j'ai pas entendu, elle a pas fait, ah oui, on se l'est fait dire ou quoi que ce soit, on a manqué notre batch. Non. c'est vrai que j'étais tout seul dans cette histoire-là, mais j'avais trois autres personnes. Ouais, c'est ça, vous étiez quatre à dire, ça goûte la merde. Ouais, fait que ça c'était mon aventure de la semaine. C'est pas aussi impressionnant que ta. Je trouve ça quand même particulier. C'est vraiment spécial. Tu fais une remarque au restaurant, puis le restaurant est quasiment comme, ouais, mais tu sais, c'est toi qui est bizarre, là. Ben oui. Un peu de respect pour ton client. Le client est roi. Oui. Comme le poulet. Afin de dédramatiser la situation, Guillaume décide de lire à Maxime une histoire d'épouvante à propos d'une certaine éponge carrée. Ce creepypasta n'est pas pour tous, âme sensible s'abstenir. Je commencerai par vous dire que si vous cherchez une réponse, faites demi-tour. Il n'y en a pas. Fait que c'est fini? Ouais, c'est fini. Bonsoir. J'étais stagiaire chez Nickelodeon Studio en 2005 pour ma formation en animation. C'était pas payé, évidemment, mais ça a des avantages non négligeables. Pour les adultes, c'est pas grand-chose, mais plein d'enfants chieraient pour être à ma place. Comme je bossais directement avec les animateurs, je pouvais voir les nouveaux épisodes avant leur diffusion. C'est vraiment hot. Je vais aller droit au sujet sans divaguer sur le reste. Ils avaient sorti tout récemment le film de Bob l'éponge et le staff entier était à court d'idées. Alors, la saison suivante a mis du temps à démarrer. C'est vrai que le film était vraiment sacoche. C'est vraiment un bon film. Excellent, avec David Hasselhoff en plus. Je peux comprendre qu'il manque un peu d'idées. Mais le délai fut plus long, pour d'autres raisons énervantes. Il y avait un problème avec un épisode qui a foutu un froid à toute l'équipe pendant quelques mois. Moi et deux autres stagiaires étions dans la salle d'édition avec l'animateur-chef et les éditeurs son pour le montage final. On a reçu la copie de ce qui devait être l'épisode « Terreur sur le crabe croustillant ». Et nous réussissons autour de... Terreur sur le crabe croustillant. Et nous réunissons autour de l'écran pour voir. Okay. Souvent, quand un épisode n'est pas encore finalisé, les animateurs mettent des titres différents, genre de blagues personnelles, des titres plus idiots comme « Pourquoi le secte marche pas » au lieu de « Rock a bye bivalve » quand Bob et Patrick adoptent un pétoncle. Okay. Rien de super drôle, mais qui prête à au moins un sourire. Alors, quand on a vu l'étiquette « Le suicide de Carlo », on a juste pensé à une blague morbide. Un des stagiaires a même eu un éclat de rire en voyant. L'épisode commença normalement, avec une musique hawaïenne joyeuse. Ouh, qui vit dans un anneau au fond de la mer. Bob l'éponge carré. L'histoire commença avec Carlo qui s'entraînait à la clarinette, faisant des fausses notes comme d'habitude. On entend Bob rire et Carlo s'arrête. Lui hurlant d'arrêter, parce qu'il a un concert cette nuit et devait s'entraîner. Bon Bob dit « Ok » et décide d'aller voir Sandy et Patrick. Le fondu avec les bulles arrive et on voit la fin du concert de Carlo. C'est là que tout commence à déconner. Pendant qu'il jouait, quelques frames se répètent, mais pas le son. À ce moment de la production, le son et l'image sont synchronisés, mais pas cette fois. Et quand il arrêta de jouer, le son s'arrête comme si la coupure n'était pas arrivée. On entend des murmures dans le public, suivis de humains. Des huées, pas normales dans les cartoons. C'est normal. Hein? Je vais relire ça, j'ai pas compris. On entend des murmures dans le public, suivis de humains. Des huées pas normales dans les cartoons, c'est normal. Je pense que la personne qui a traduit ce creepypasta a un petit problème de langage. Oui, effectivement. On pouvait vraiment sentir de l'agressivité forte. Carlo est en plein champ et il est visiblement effrayé. La caméra part sur le public. Avec Bob au milieu, et il hue aussi, d'une manière qui n'est pas la sienne. Oh non. Probablement qu'au lieu de faire il fait Hey! Hey, Carlo, t'es pourri! C'est pas le plus étrange, cependant. Le plus bizarre étaient les yeux de tout le monde. Très détaillés, photoréalistiques. Pas des photos de vrais yeux humains, mais plus réels que du dessin fait par ordi. Ouais, mais fait que dans le fond, c'est des yeux réels, mais pas trop réels, mais plus réels que des yeux de cartoon. Quand tu fais des close-ups sur Bob l'éponge, il y a plein de détails, ça va être de même. Ça mais là, être en ce moment, c'est pas zoomé. Pas zoomé, je comprends. Les pupilles étaient rouges. Nous nous sommes regardés, confus, mais n'étant pas les scénaristes, on ne s'est pas posé la question concernant les enfants qui regarderaient pour l'instant. Effectivement, moi aussi, je me poserais vraiment pas de questions. Ok, ils ont décidé de mettre des yeux, continue, là, décroche. La caméra part alors sur Carlo qui s'assit sur son lit, l'air très triste. La vue de son hublot de fenêtre montrait une nuit noire. Chance que c'était pas une nuit bleue. Oh. À ce moment, chose encore bizarre, et qu'il n'y avait pas de son. Vraiment aucun son. Même pas le léger bruit des haut-parleurs silencieux. C'est comme s'ils étaient éteints, alors qu'ils étaient en parfaite marche. Il s'est juste assis là, clignant, dans ce silence pendant 30 secondes, puis elle a commencé à pleurer doucement. Ben moi aussi, si j'avais raté un concert comme ça, j'aurais eu de la peine. Là. C'est normal. Et surtout que sa carrière, elle lève pas, là. Ça devait être important, là. Tu sais, je veux dire, quand t'es caissier dans un restaurant, mais que tu veux être clarinettiste, je comprends que t'as de la peine. Moi, je compatis, Carlo. Il a mis ses mains, tentacules, devant ses yeux et pleura silencieusement pendant toute une minute. Pendant tout ce temps, le son commença à revenir très doucement. Ça ressemblait à un simple bruit de vent dans les arbres. L'écran commence à zoomer doucement vers le visage de Carlo. Tellement lentement qu'il faudrait faire des captures d'écran toutes les 10 secondes et le voir côte à côte pour s'en rendre compte. Ses pleurs devenaient plus forts, pleins de heurts et de colère. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. L'écran se tord pendant une petite seconde, puis revint à la normale. Le son du vent devenait de plus en plus fort, comme si une tempête se préparait. Ce son et les pleurs de Carlo semblaient si réels, comme si les sons ne venaient pas des haut-parleurs, mais comme s'ils étaient des trous d'où provenaient les sons de l'autre côté. Si bon qu'ils auraient fait envie à des producteurs de sons recherchant une qualité sonore parfaite. En plus du vent et des pleurs, on entendit très bas une sorte de rire. Ça venait à intervalles bizarres et ne durait pas plus d'une seconde, donc c'était dur de cerner ce que c'était. On a regardé cet épisode 2 fois. Désolé d'être si spécifique, mais j'ai du temps pour détailler. Après 30 secondes de ça, l'écran a flouté et s'est violemment tordu, et quelque chose a flashé à l'écran, comme si juste une frame avait été remplacée. L'animateur chef rembobina et mit en image par seconde pour s'arrêter sur l'image remplacée. Âme sensible, s'abstenir. Son visage... Ce qu'on a vu était horrible. C'était la photo d'un enfant mort. Ne devait pas avoir plus de 6 ans. J'aime beaucoup comment tu analyses l'âge des enfants morts. Son visage était mutilé et ensanglanté. Techniquement, il n'y a plus d'âge s'il est mort. Effectivement. Ben, il y avait un âge avant d'être mort. Mais quand tu meurs, t'as plus d'âge? Ben, t'es plus là. Tu vieillis plus. Ouais, mais t'as quand même 6 ans. T'as pas plus que 6 ans. Ouais. Mais t'as encore... Ben, ouais. En état, c'est curieux. Ouais, il y avait comme quelques secondes de mort. Ouais, effectivement. Enfin, bref. Un œil pendait hors de son orbite. Il était simplement en sous-vêtements. Ben oui, pardon. Son ventre cruellement ouvert et ses entrailles répandues autour de lui. Quoi? Classique. Il était couché sur du bitume, probablement une route. Le plus énervant était l'ombre du photographe visible sur la photo. Le plus énervant, il y a un bébé mort. Il y a une photo de bébé mort, puis tout ce qui t'énerve, c'est qu'il y a quelqu'un qui le prend en photo. Il a très très peur des ombres. Ah, ok, le royaume des ombres, voyons, ça doit être Yugi. Il n'y avait aucune cassette du crime, aucune marque ou chose qui pourrait prouver l'identité du tueur, et l'angle était trop mal placé pour être une preuve. Apparemment, le photographe était la personne responsable du meurtre. Merci Sherlock. Wow. C'est vraiment un enquêteur hors pair. Nous étions tous mortifiés. On appuyant sur play. Gang de cap. On a trouvé une photo d'enfant mort. Continuons l'épisode. Espérant que ce n'était qu'une blague dégueu. Mais en tant que tel, ils ont regardé l'épisode 2 fois. Ben ça, c'était-tu la deuxième fois ou la première? C'est la première fois. L'écran revint à Carlo, pleurant plus fort qu'avant. La moitié du corps dans le champ. Dans le champ, j'imagine le champ de caméra. Ouais, ouais. Il y avait maintenant des larmes rouges sang qui coulaient de ses yeux. Merci de me préciser que le sang est rouge. Le sang était fait d'une manière hyper réalistique. On croirait presque pouvoir en avoir sur les doigts en le touchant. Le bruit du vent semblait plus violent aussi. Moi tuer mon chien sale. Avec les branches qui craquent, le rire. Crac, crac. Un profond rire de baryton était plus long et venait plus souvent. Après 20 secondes, l'écran se tordit, une autre photo cachée se montra. L'éditeur en chef se répulsait d'aller voir ça. Comme nous tous, mais on savait qu'il fallait le faire. En fait, t'aurais pu laisser ce travail-là aux enquêteurs et à la police. Ouais, t'aurais pas appelé la police tout de suite. Là. Cette photo était celle d'une fille, cette fois, du même âge, visiblement. Elle était, en fait, il était probablement pas du même âge, parce que les filles ont un métabolisme qui fait en sorte qu'ils paraissent qui grandissent un petit peu plus rapidement que les garçons en bas âge. Fait qu'il était probablement un petit peu plus. Mais peut-être que lui, il savait ça aussi, puis il a comme réinversé l'âge plus vieux qu'elle avait l'air. Peut-être, mais je veux dire, il étudie en animation. Ben j'espère que tu sais comment animer le vieillissement. C'est vrai. Elle était couchée sur le ventre, ses barrettes dans une flaque de sang près d'elle. Son œil gauche était sorti aussi, juste vêtu d'un slip. Ses entrailles empilées près d'une énorme coupure le long du dos. Le corps était toujours sur la route et l'ombre du photographe était visible. Okay. Très similaire en taille et silhouette. J'eus des nausées et un des stagiaires, la seule fille du groupe, sortit en vitesse. Fait que voir des gars morts, c'est correct, mais des petites filles, ça passe pas. Non, ben, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, c'est plus dégueu les filles, là, wesh. Wesh. Le show continua. 5 secondes après la deuxième photo, Carlo devint silencieux, tout comme les autres sons. Comme au début de la scène, il baissa les mains. Tout comme les autres sons, comme au début de la scène. Il baissa ses mains tentacules et ses yeux étaient hyper réalistes, comme ceux des autres au début de l'épisode. Il saignait et pulsait. Il regarde en direction de la caméra, comme s'il nous regardait. Après 10 secondes environ, il recommença ses pleurs, sans se couvrir les yeux cette fois. Le son était fort et perçant. Quoi? Et comble de l'horreur! Oh non! Ses pleurs étaient accompagnés de hurlements! Ah! Ah! Ah! Les larmes et le sang s'écoulèrent à flot de ses yeux. Le son du vent revint, ainsi que le profond rire. Et cette fois, la photo suivante resta pour au moins 5 frames. L'animateur put stopper à la 4e frame et rembobina à la première. Cette fois, c'était un garçon, du même âge, mais la scène était différente. Les entrailles venaient d'être retirées de l'estomac par une large main. L'œil droit était sorti hors de l'orbite et pendant, du sang dégoulonnant dessus. Ben, à date, c'est pas mal la même scène. Ouais, ça ressemble pas mal. L'animateur avança. C'était dur à croire, mais la suivante était différente et similaire à la fois. Pareil pour la frame suivante et les autres. Il revint à la première et les joua une par une. S'en fut trop. Je vomis sur le sol. Comique! Je veux dire, ça fait 7 photos là, d'enfants morts que tu vois, là, c'est le temps. Là, ça finit comment ce soir-là? Il en reste-tu longtemps parce que. Il en reste un petit bout. Je vais lire la dernière. Ok, bon. Et comment ça finit là? On le sait, là, il y a des photos d'enfants morts. Des photos d'enfants morts. Ils sont allés chercher Stephen Hillenburg. Puis là, ils ont supprimé le truc. Blablabla. La seule théorie qu'on a pu trouver est que le film a été édité par quelqu'un de la chaîne faite de l'équipe de dessin jusqu'à nous. Le CTO a été appelé pour comprendre ce qui s'est passé. L'analyse du fichier a montré que c'était édité par du nouveau matériel. Pourtant, la date de ce truc datait d'environ 24 secondes avant qu'on ait commencé à regarder. Tous les équipements impliqués ont été analysés en quête de logiciels étrangers ou matériels et même d'éventuels bugs, comme si la date avait été piratée sur le fichier, mais tout semblait normal. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce jour, personne ne le sait. Une enquête a été ouverte à partir des photos du fichier, mais rien n'en est sorti. Aucun des enfants en vue n'a été identifié et aucun indice n'a été trouvé dans les données ni d'indices physiques sur les photos. Je n'avais jamais cru au phénomène inexpliqué auparavant. Mais maintenant que j'ai vu quelque chose et ne peux rien prouver dessus au-delà de l'évidence anecdotique, je repense deux fois à chaque chose. Deux fois à chaque chose. Je te confirme que cette histoire, je ne l'y repenserai plus jamais. Effectivement. Ben, c'est quand même intéressant, mais en tant que tel, on s'entend pour dire qu'il y a des choses qui ont vraiment aucun bon sens dans cette histoire-là. Ouais. Genre, quand que tu vois un enfant mort... Ben, c'est ça, là. Déjà, là, tu continues d'écouter l'épisode, puis je veux dire, il y avait des gens dans la salle qui ont travaillé sur l'épisode. Mais là, il y a personne qui s'est dit, hey, on n'a jamais mis ces yeux réalistes-là dans le scène, là. Tout le monde a continué de regarder. Ouais, tout le monde a continué de regarder, puis ils ont même. Ils l'ont regardé deux fois, je comprends pas pourquoi. Ouais, ils l'ont regardé deux fois. C'est vraiment cave. En tant que tel, moi, avoir été à leur place. Au premier enfant mort, je me serais levé, j'aurais dit bye bye, moi mon stage est terminé, je ne reste plus avec vous. J'appelle la police. Mais non, ils ont attendu de regarder deux fois l'épisode avant de contacter les enquêteurs et de mener une enquête qui a mené à rien. Fait qu'en fin de compte, c'est intéressant, mais rien. C'est sûr que c'est faux, c'est fake as fuck. Mais c'est un creepypasta. Ouais, c'est ça. Cette dernière histoire était peut-être fausse, mais la copine de Guillaume, elle, est bien réelle. Elle rejoint les deux frères sur leur divan alors qu'ils se touchent la banane. C'est un peu bizarre, t'ouvres ta banane au milieu. Ouais, ben, c'est dans le fond, je vais t'expliquer un peu d'où ça sort cette affaire-là. Il y a des personnes qui rouvrent leurs bananes comme sur le dessus. Mettons, le dessus, c'est le bout où est-ce qu'il est plus long. En dessous, c'est le bout où est-ce qu'il est comme brun puis il est tout petit. Là. Ouais. Mais il y en a qui l'ouvrent sur le dessus. Ils prennent une banane puis là, ils tirent. Mais des fois, quand tu fais ça, mettons, puis ta ça banane... Ça l'écrase. Pas juste ça l'écrase. Des fois, ça l'écrase, ça l'ouvre pas. Ou bien, si elle est pas assez mûre, ça l'ouvrira juste pas. Il va comme juste avoir la couche externe qui va s'ouvrir. OK. Je sais pas si tu comprends. Là, il va rester une membrane sur la banane. Ça sera comme moyen. Il y en a d'autres, au contraire, qu'ils l'ouvrent par en dessous. Du côté noir, tu sais, tu pèses avec ton ongle. Moi, c'est ce que je fais. Ça, c'est ce que tu fais. Ils disent que. Il y a certaines personnes qui disent que c'est une des preuves que l'homme puis le singe, c'est pas vraiment la même descendance parce que les singes d'instinct, ils l'ouvrent par en dessous, puis les hommes d'instinct, ils l'ouvrent par dessus. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais c'est ça, ça fait que t'as une poignée en dessous pour tenir ta banane, puis tu peux ouvrir ta banane par en dessous. Ça, c'est deux manières de manger la banane qui sont plus traditionnelles. Pour ma part. Pour être sûr qu'aucun phénomène de membrane et de pli de banane arrive, je la casse en deux à partir du milieu. J'avais vu ça dans Vsauce, je me souviens plus exactement lequel épisode. Shout out à Vsauce. On se calme les shout out. Puis c'est ça, il disait que pour être sûr que ta banane, elle écrase pas ou qu'il reste pas de membrane, tu peux la casser en deux puis ça marche tout le temps, sauf si elle est trop mûre. C'est rendu pain aux bananes. Là. Si elle est rendue pain aux bananes, la banane elle va juste comme plier. Ouais, mais même ça va être dégueulasse dans ta bouche. Ouais, c'est ça exactement. Rendu là, tu fais juste un pain aux bananes. Fait que... Tout ça pour dire que nos bananes nous amènent sur l'invité de la semaine. On vous en a parlé, elle est mythique parmi nous, Rosalie! J'entends ta Rosalie! J'entends ta Rosalie! En live! Hey, c'est complètement capoté, on savait pas quand est-ce qu'elle viendrait, mais là, elle est là aujourd'hui! Elle est là, hein? C'est bizarre, je me demandais ça tantôt, puis là, elle est là! Hey, c'est complètement capoté! Fait que, Rosalie, tu nous as dit que t'avais toutes sortes de sujets savoureux à nous glisser entre les oreilles. Mais là, faut que t'arrêtes de parler de bananes, là. On en a une écoeurite, là. C'est fini. Okay. C'est savoureux, mais là... Ouais, mais en fait, je vais vous parler de patinage artistique parce que moi, je suis une patineuse depuis maintenant près de 20 ans. OK. Ouais. Là, nous, on a une question là-dessus. Ouais. Par nous, je veux dire, moi, est-ce que dans tous les moments où est-ce que tu patines pas, tu te qualifies de patineuse aussi ou t'es juste une patineuse quand tu patines? Bah, pas mal tout le temps quand même. OK, fait que ça fait pas... ça me qualifie. Fait que ça fait pas 20 ans de suite ou cumulatif. Non. Fais du patin. Ça serait bizarre. 20 ans. C'est genre elle arrête juste pour venir faire une entrevue au 17 Avenue des Pins, c'est incroyable. Bon, OK, je voulais juste mettre ça non, au clair. Okay. Mais ça fait à peu près 20 ans que je fais du patinage dans mes temps libres, mettons. OK. Et là en fin de semaine, il y a des patineurs canadiens qui ont fait leur comeback sur la glace, Tessa Virtue et Scott Meyer qui ont été champions olympiques en 2010 aux Olympiques de Vancouver, qui ont été vice-champions olympiques aux Olympiques de Sochi en 2014 et avaient décidé d'arrêter la compétition complètement pour faire plutôt des spectacles et laisser la place à des nouveaux. Et genre Disney on Ice? Pas Disney on Ice, mais Stars on Ice, des trucs du genre. Ok. Des spectacles professionnels un peu partout à travers le monde. Ça, c'est un peu comme les Harlem Globetrotters du patin? Ouais, si on veut. Ok. Ouais. J'en pose des questions. Yeah. Non, mais ça t'intéresse le patin artistique depuis le temps que tu m'en parles. Ah oui, j'en rêve à toutes les nuits. Là. Voilà, c'est aujourd'hui qu'on démystifie tout ça. Je voulais pas savoir sur quoi j'ai rêvé cette nuit. Et bref, enfin bref, ils ont décidé de retourner à la compétition dans le but de faire les 3e Olympiques, le 3e jeu en 2018. Tu penses-tu que c'est le fait qu'il y a eu des Jeux Olympiques cet été qui ont quand fait « Hey, c'est cool les Jeux Olympiques, j'aimerais s'y retourner. » Non, ils avaient décidé de retourner à la compétition. Là, ça fait déjà au-dessus de 6-7 mois qu'ils ont annoncé leur retour à la compétition pour la saison 2016-2017 dans le but de se rendre jusqu'en 2018. Okay. Et là, c'était leur grand retour en fin de semaine. Ils ont participé aux internationaux Autumn Classic à Montréal et ils ont gagné la médaille d'or encore une fois. Donc... malgré leur absence pendant 2 ans, ou presque, ils sont toujours en force, ils sont toujours à la tête parmi les meilleurs. Puis, ben, ils n'ont pas arrêté de faire du patin dans ce temps-là. Non, ils ont arrêté toute la compétition, puis ils ont continué à s'entraîner, ils ont continué à faire des spectacles, mais ils ont arrêté toutes les compétitions, puis ils ont recommencé à avoir un mode de vie un petit peu plus Normal. Okay. Parce qu'on s'entend, là, pour être champion olympique. Ben, il faut que tu t'entraînes en Saint-Siro. Moi, la question que j'ai, là, c'est que, moi, mettons, là, quand je regarde RDS, TVA Sport, patin artistique, moi, je vois pas ça passer vraiment. C'est rare. Où est-ce que tu suis ça, le patin artistique? Est-ce que tu suis juste par Internet les nouvelles qui passent ou est-ce qu'il y a moyen de regarder ça quelque part? Ouais. Eh ben, moi, je le suis sur Internet pour le suivre en live. Mais généralement, sur RDS, ça finit toujours par passer, mais la compétition qu'il y a eu en fin de semaine, probablement qu'elle va passer dans 2 mois. Là. Puis okay. Ils vont présenter 3 heures de la compétition alors que ça durait 3 jours. OK. C'est vraiment des gros événements, là, les compétitions de patinage artistique. Ouais, c'est plusieurs jours, ça se fait sur plusieurs jours parce que les patineurs ont 2 programmes à présenter. Il y a les programmes courts, puis les programmes libres. Mm-hmm. Les programmes courts. C'est, je sais pas, le programme lourd et le programme cible. Les programmes courts, c'est environ 3 minutes. Et puis c'est un programme qui est imposé avec des éléments imposés, alors que le programme libre, c'est un 5 minutes. Avec pas mal Dans le fond, le programme court, il est un peu plus comme pour départager les gens niveau technique, parce que chaque personne va faire sensiblement la même chose. Vu qu'il y a des trucs imposés, ils sont capables de savoir comment est-ce que les gens font la base le mieux. Ouais, effectivement, ça peut... Ouais, ça se ressemble plus parce qu'ils ont vraiment une danse imposée ou des éléments imposés. Okay. Tandis que dans le programme libre, ils ont aussi des éléments imposés, mais ils ont une plus grande liberté. Ils ont des choix. Ils ont choix entre ça ou ça. Donc, c'est plus diversifié. Puis, c'est pas totalement libre. C'est pas totalement libre. Ils peuvent pas excéder un tel nombre d'éléments. Ils peuvent pas en faire moins non plus. Mais ils ont plus de liberté dans ce qu'ils peuvent faire. Le programme libre, fait que... Là, tu me disais, Rosalie, toi, tu fais de la compétition de patin artistique aussi, ouais. Mais tu disais, c'est pas le même genre de compétition que tu fais. Non. C'est quoi que tu fais exactement comme compétition de patin? Moi, je fais des compétitions plus récréatives, mettons. Je suis pas de niveau compétitif, loin de là. Je fais des compétitions d'interprétation, donc j'ai pas de saut, j'ai un thème en particulier à exploiter. C'est comme du théâtre, mais sur la glace, sans parler. C'est comme du mime, mettons, sur glace. Mais c'est préparé. Oui, c'est préparé, ouais. C'est toujours préparé. Puis c'est des petites compétitions là, dans la région de Québec. Je suis jamais allée plus loin que ça. Puis c'est bien correct comme ça. Serais-tu capable de nous en décrire un? Admettons, là, de à quoi ça ressemblerait, mais sans visuel, juste avec ta voix. Sans visuel, juste avec ma voix. Oh là là, OK. Ben, je peux peut-être faire mon programme de... Il y a 2 ans. OK. Ben, il y a 2 ans, mon programme, ça s'appelait « Prise entre enfer et paradis ». Donc je commençais, j'avais une robe toute noire, puis j'avais des ailes blanches, mais je les utilisais pas au début. Et là, la musique, c'était la musique, musique de film d'horreur. Là. C'était quand même intense. Puis, j'étais maquillée en noir. Puis, je faisais des gros yeux. Puis, c'était vraiment des mouvements plus saccadés, des mouvements plus secs, plus lourds. Ah, OK. Plus infernal. Ouais. Et là, à un moment donné, il y avait un gros boom dans la musique où est-ce que là, tout s'arrêtait. Et là, on changeait de musique et on tombait avec la musique Alléluia de Leonard Cohen. Qui est complètement différent. Et là, j'allais chercher les ailes sur mon costume et je changeais complètement d'attitude. Ou est-ce que là, je passais de cet enfer-là vers le paradis. Où là, c'est des mouvements beaucoup plus gracieux, beaucoup plus plus légers. C'est comme, je passais du noir au blanc. Et là, à la toute fin, il y avait comme un rewind. Mais là, t'avais-tu une robe blanche? Non. J'avais encore ma robe noire, mais j'étais allée chercher mes ailes blanches. Ouais, c'est pendais. Ça. Fait que là, j'avais des ailes d'ange. C'est ça qui faisait la variance. Puis, à la toute fin, des 30 dernières, même pas 15 dernières secondes, il y avait comme un rewind de cassette. Là. Puis là, je relâchais mes ailes, je redevenais méchante, puis là, c'est fini. Je finissais en enfer, en le noir. OK, ça durait combien de temps? C'est un programme de 3 minutes. OK, ben c'est okay. Cool, ça. Ouais. Ça fait penser un peu à la chanson des Chicken Swell, la noirceur et la lumière. Va falloir qu'on se fasse écouter ça, tu vas voir. Ça aurait pu être très bon. Si t'avais dansé là-dessus, ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait été excellent. Ben, c'est vraiment cool. Merci, Rosalie, de nous partager ta passion. Si jamais on veut te suivre, est-ce qu'il y a moyen de te suivre à tes compétitions de patin ou... T'as-tu une page Facebook? Non. Je suis assez discrète de ce côté-là. Mais les compétitions de patin là, de la région sont tout le temps sur Internet, là, sur le site de la région de... Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches. OK. Voilà. Sinon, sur Facebook de temps en temps, mais je... Tu le dis pas. Je le dis pas. Vraiment. Tu le gardes, tu le gardes à la cachette. Je le garde pour moi. Elle veut pas qu'elle m'en vienne. OK. Est-ce que tu vas rester avec nous? Je t'ai préparé une petite carte. Ben oui, je vais rester avec Veux-tu la lire, Guillaume? Ouais. passe go, réclame 200, va sur la case chance. Parfait, je savais que vous. Quand je dis préparer, je veux dire, j'ai découpé trois quarts du Monopoly. Il me restait plus rien. Hein. Ah, mais c'était original. Le patinage artistique ne serait rien sans musique, tout comme le monde qui nous entoure. Et c'est à l'aide d'une chanson que nos trois amis commencent à réfléchir sur le système scolaire. Ça donne bien que tu sois avec nous, Rosalie. La chanson dans laquelle je voulais vous présenter, elle parle du système d'éducation, dans le fond. C'est une chanson qui s'appelle Board of Education, c'est Propaganda qui chante ça. Je te disais, Maxime, l'autre jour que j'avais commencé à écouter du rap. Oui, c'est un rappeur ça noir. Ça continue de parler de rap, ça continue de parler pas. De noir. Rosalie, pour ceux qui ne savent pas, elle est enseignante en adaptation scolaire, ce qui fait que moi, je vais vous lire, pas la tune au complet, je vais vous laisser aller voir les paroles si vous voulez, mais je vais comme prendre des bouts que je trouve vraiment significatif, puis j'aimerais avoir une discussion ouverte avec vous deux à propos de cette chanson-là. Moi, je trouve personnellement qu'il y a de l'application personnelle qu'on peut faire de cette chanson-là, puis retenir des points importants. Ok, avant que tu commences à parler de la chanson, j'aimerais que tu nous dises, cet artiste-là, c'est un artiste qui vient de où? Et j'en ai aucune putain d'idée, Maxime. Parce que si tu dis que ça parle du système d'éducation, mais qu'il est finlandais, ben tu sais, ça vient de nouveau. Il vient des États-Unis. Okay. Ça, je le sais. Il est américain. Il est américain. Ok. Ouais, bon. c'est un... Au moins, ça exactement. Nous situe un peu dans l'espace. Ouais. Mais enfin, bref. Ça s'appelle Board of Education, mais c'est pas comme le ministère de l'éducation, c'est Board, B-O-R-E-D, comme tanné de l'éducation. Mais il utilise un peu en jeu de mots, il dit Dear Board of Education, so are we. C'est pour te donner une idée. Okay. Enfin bref, il raconte ça un peu comme ça. Il dit, à aucun point dans la vie qu'on vit, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on a besoin de s'asseoir en file indienne puis écouter la ponctuation? Genre, écouter quelqu'un nous raconter comment faire des ponctuations, par exemple. Il dit, à aucun point est-ce que maman nous a passé un examen écrit sur comment laver la vaisselle. Il dit non. Maman, elle a approché le tabouret à côté d'elle, sur le bord du signe. Elle a donné une lavette. Puis elle a dit, regarde comment je fais, puis essaye-le maintenant. Apprendre en faisant, quelle idée folle. Peut-être que ça marche. Il compare un peu le petit tabouret à des échelles, il dit « Like a magical ladders into an alternate universe into the grown-up world ». En fin de compte, ce qu'il veut dire par le propaganda, c'est que le système d'éducation est monté de manière à ce que les gens régurgitent un peu de l'information qui est évaluée selon un examen écrit d'information théorique. Mais que le système d'éducation est pas vraiment monté pour qu'on puisse faire des apprentissages concrets dans la pratique. Puis c'est désavantageux pour plusieurs élèves qui ont une méthode d'apprentissage qui est pas du tout théorique. C'est un peu ça qui veut apporter dans la chanson. Si vous voulez la lire au complet, là, il y a vraiment des trucs que je trouve absolument incroyables. Il dit par exemple, Remember when we were in kindergarten and you had to learn about worms. You went outside and played with worms. Ok, ben là, mettons qu'on voudrait appliquer ça, mettons, ouais. À un concept qui est un peu beaucoup plus intellectuel, mettons les mathématiques. Ouais. Est-ce que dans le fond, selon sa vision, on devrait comme être assis ensemble à discuter du concept d'additionner, mettons, puis au lieu d'avoir des examens écrits, ça serait comme d'aller dialoguer avec ton professeur, puis là, ton professeur te jase, mettons, des situations, on dit, hey, tu peux transposer comme les problèmes écrits, c'est surtout au primaire. Ouais. Puis là, tu pourrais juste le faire, mais tu sais, en dialoguant, puis avec des objets. Puis dis, hey, mettons que j'ai une pomme, puis là, que moi, je rajoute deux pommes, je suis rendu à combien de pommes, mais tu peux avoir les pommes sur le bureau, puis ça serait une manière plus concrète de vivre les mathématiques que de l'écrire. Ouais, absolument. Ouais. Puis je pense que ce qui est important dans ce qu'il dit aussi, c'est que comment je dirais bien ça, c'est la partie examen écrit avec pression, par exemple, qui est un petit peu dérangeant et inadapté pour plusieurs élèves. Le fait que ce soit pas évalué selon la pratique, mais que ce soit évalué selon les apprentissages, puis la manière de traduire les apprentissages, qui sont pas vraiment une traduction d'apprentissage, mais plutôt un copier-coller de tout ce que t'as entendu, je pense que c'est un peu là qui fait la distinction. Parce que, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que le système d'éducation fait en sorte qu'il n'y a plus vraiment de plaisir à l'apprentissage, mais c'est seulement une note qui fait en sorte que tu as une valeur dans le système, dans le fond. Ouais, si tu n'as pas la note de passage, tu n'as aucune valeur dans le système, tu es juste un chiffre pour le système d'éducation. Fait que c'est juste du plaisir si tu es bon. Exactement. Mais là, toi Rosalie, t'es dans le domaine de l'éducation. Ouais, effectivement. Tu dois avoir ton mot à dire là-dessus. Ouais, mais moi, je suis bien d'accord avec cette chanson-là, en fait, parce que de ce temps-ci, ce qu'on voit surtout, c'est que les élèves sont évalués sur leur capacité de mémorisation plus que sur leur compréhension en tant que telle. Ils vont, mettons, en mathématiques ou en n'importe quoi, ils vont apprendre les formules par cœur, puis là, ils vont arriver à l'examen et ils vont te vomir sa feuille, littéralement. Ils vont tout se dépêcher à t'écrire les formules, puis ils savent pas nécessairement plus à quoi ça va leur servir, puis comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Puis dans la vraie vie, après ça, ces formules-là, si t'en as besoin dans ton travail ou quoi que ce soit, ben tu vas toujours avoir la possibilité d'aller la rechercher quelque part, puis de l'avoir, t'es pas obligé de la connaître par cœur tout le temps, puis t'es pas obligé de tout connaître par cœur, puis alors que dans les examens, ce qu'on fait, c'est ça, on demande de tout savoir ça par cœur, puis si t'es capable d'utiliser, tant mieux, si t'es pas capable, c'est pas plus grave que ça, ce qu'on veut, c'est que tu la connaisses, cette formule-là, puis que tu saches à peu près ça sert à quoi, sans nécessairement évaluer tes vraies capacités de l'utiliser, puis ta compréhension. C'est comme, tu sais, si on vient aux mathématiques, est-ce que c'est plus important d'être capable de faire des calculs mentaux ou de savoir utiliser une calculatrice qui est un outil qui va le faire à notre place? Exactement. À un moment donné, dans la chanson Propaganda, il dit, dear Board of Education, il dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de googler quand est-ce que le Magna Carta a été signé? Ouais, parce que de toute façon... Parce qu'en tant que tel, là, dans la vie de tous les jours, tu vas avoir la possibilité de le faire. Si jamais, admettons, je sais pas, moi, tu vas travailler comme contremaître, mettons, puis il y a une patente, et Moses, je me souviens plus comment faire telle chose, ben ça se pourrait que tu prennes ton livre, puis t'ailles voir, mettons, à la page 37, tu lis 2-3 paragraphes, puis tu dis comme, ah oui, c'est comme ça que ça marche, puis là, tu retournes travailler. Ça va prendre quoi? 10 minutes? Mais au moins, tu vas le savoir, puis, tu sais, je veux dire, ces outils-là sont là en permanence, en quelque part, là. Mais là, ça, tu peux l'appliquer jusque où? Ça, moi, je pense que c'est la contrepartie qui est un peu le danger de seulement aller dans le côté pratique de la chose. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est bien d'aller dans le côté pratique. Par contre, je pense à certaines études supérieures où le côté pratique est pas suffisant. Tu pourrais pas juste dire... Ben, apprends en faisant, puis si tu te plantes, ben c'est pas grave. Par exemple, quelqu'un qui veut faire une chirurgie cardiaque, s'il apprend en faisant seulement, il va avoir une petite problématique probablement, parce que s'il se trompe, ben c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu, par exemple. Mais je veux dire, quelqu'un qui, par exemple, veut faire de l'horticulture ornementale, par exemple, doit aller prendre un cours en horticulture au cégep, ça se donne à Saint-Hyacinthe, mettons. Il s'en va à Saint-Hyacinthe faire son cours de 3 ans d'horticulture, alors que apprendre à jouer dans les plantes, je veux dire, tu pourrais être juste dans une serre, puis... Non, on s'entend que avant les années 1900, tu sais, oui, là, les écoles existaient déjà, mais avant les années 1900, les métiers pratiques, cordonnier, maréchal ferrant, c'est des gens qui prenaient des apprentis, qui leur expliquaient comment faire, puis si la personne s'entendait bien avec la personne, ben il restait son apprenti, puis bon, puis là, il devenait collègue ou n'importe quoi, ou l'autre partait faire sa job. Exactement. Fait que c'est... Tu sais, à quel moment où est-ce que il y a quelqu'un qui a dit « Ah, non, nous, on a un ministère d'éducation, il faut que le monde passe par notre système, fuck les apprentis. » Je pense que c'est une question de centralisation du pouvoir, encore une fois. Puis moi, pour ma part, je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose, parce que des métiers de père en fils, ça existe de moins en moins. Puis, alors que, tu sais, un papa bienveillant, je pense que c'est à peu près la meilleure personne pour t'apprendre comment travailler sur une ferme, par exemple, ou comment utiliser un ratchet, mettons, là, pour travailler sa construction, là. Alors, je pense qu'il y a certaines lacunes là-dedans. Puis, en même temps, tu sais, j'ai de la misère à me situer là-dedans. Je pense seulement que notre ministère de l'Éducation... bloque un peu des voies à plusieurs personnes qui probablement serait en prison là, si c'était pas de, je sais pas moi, trouver une carrière en faisant du rap aux États-Unis, mettons. C'est, ça fait réfléchir quand même. Mais en même temps, il est où notre pouvoir? T'sais, si on a un enfant, t'sais, oui, j'ai la possibilité de faire l'école à la maison. Mais si je fais ça, je peux pas vraiment travailler en même temps. Ben, ouais, à moins que de partir sur une ferme et de réussir à travailler à la maison en même temps, je peux pas faire ça. En même temps, il perdrait un côté social qui est quand même important dans la vie. Si tu coupes ton enfant comme de la vie d'école, ben tu le coupes des relations sociales qui, une fois rendu dans la vie d'adulte, s'il va au travail et qu'il a jamais vécu avec des gens, puis apprendre qu'est-ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis faire pleurer des gens, il va être incapacité socialement. Mm-hmm. Fait qu'on a beau vous dire ça, mais à moins de devenir nous-mêmes ministre de l'éducation puis de brasser de la merde, on peut pas vraiment tasser ça non plus là. Non, ce qui fait que je pense que c'est un cas de conscience personnelle de dire les attentes qu'on a envers certains élèves, il y aurait probablement moyen de les adapter puis de modifier les choses si on est impliqué dans le système. Ce qui fait que je pense que c'est un peu un appel à tous de constater que notre système a des failles, puis que c'est, en fin de compte, c'est juste ça, un système là, c'est pas la vérité infuse là, il me semble. Ben non, mais tu sais, de toute façon, ils en font des réformes, mais au lieu de comme d'attaquer le problème de front, ils essayent juste de comme faciliter l'accès au diplôme pour être sûr que il y ait plus de numéros qui passent. Exactement. Et sur ce, à la maison, si vous avez votre mot à dire dans le gouvernement, ben on vous ordonne d'aller leur botter les fesses pour faire changer ça. Je pense que c'est un bon sujet. Je pense que socialement, je pense que c'est un sujet important. Puis c'est un sujet dans lequel on est tous impliqués en quelque part. Là. On passe tout par là. Si on faisait tout, on prenait tous les radios diffuseurs québécois, puis que pendant une semaine, on enlevait tous les téléromans pour mettre des débats sur l'éducation. Ben, probablement que les gens seraient capables, d'après une semaine, de se faire une tête puis de décider s'ils veulent ça ou pas. Mais c'est le genre de truc qui peut pas arriver. Vous connaissez donc plus les opinions politiques des frangins, mais qu'en est-il de leur passe-temps? Ils vont aujourd'hui tenter de répondre à la fameuse question « Quels sont vos jeux vidéo favoris? » Bon, moi, je me suis rendu compte que quand les gens se font poser des questions, il y a tout le temps une question qui revient, tu sais, c'est quoi vos jeux vidéo favoris? C'est comme rendu culturellement important de lister nos jeux vidéo, je veux dire, on est né là-dedans, on baigne là-dedans tous les jours, ce qui fait que, nos jeux vidéo préférés... Je pense que ça serait important pour notre public de savoir c'est quoi nos jeux vidéo favoris, oui. C'est quasiment rendu aussi important que savoir notre couleur favorite. c'est très très vrai. Fait que, Rosalie! Oui! T'as-tu des jeux vidéo favoris? Je sais même pas toi si tu joues à des jeux vidéo. Ouais, je joue quand même à quelques jeux vidéo, mais pas assez pour dire que j'en ai plusieurs favoris. Mais, il y en a un qui prend pas mal de temps, c'est Mario 3. Mario 3. Mario 3, le classique. Super le Mario classique Bros. Super Mario Bros. 3, exactement. Super Mario Advance 4. Non. Ben oui. Oui. Oui. Le sous-titre de Super Mario. Au Game Boy Advance, c'est Super Mario Advance 4. Mais, oui, t'as raison. Je sais que j'ai raison. Mais, bref, je joue à Mario 3 sur mon DS, sur la Wii et sur la NES, qui est selon moi la meilleure façon d'y jouer. J'ai joué. Mais t'as même pas de sauvegarde, ça, NES. Oh, c'est pas grave. L'autre fois, je demandais, genre, c'est quoi ta manette préférée? C'est la manette de la NES. De NES. Écoute... comme si. Elle est pas des mains, puis il y a deux boutons. Ouais. Bon, non, mais... voilà! Non, mais j'adore cette console-là. Probablement parce que c'est la première avec laquelle j'ai joué, puis. C'est ça, fait que dans le fond, tes trois jeux favoris, c'est trois fois le même. Mario DS, Mario 3 sa Wii, puis Mario 3 à NES. Exactement, tout compris. Ah, quand même. C'est quel aspect du jeu que tu préfères? Quel aspect du jeu que je préfère? Et là, Ben, si, il y a quand même Mario en grenouille dedans. Ouais, il est cute. Et moi, j'aime ça, la petite botte aussi dans le monde 5. Oh, cool, oui. Là. Je me souviens plus c'est quel tableau exactement. Fait que c'est juste un ensemble. Ouais, c'est comme un ensemble de plein de petites affaires. Puis le fait aussi que j'ai tellement joué que je le connais pas mal par cœur. Je connais où aller chercher les flûtes, puis je connais les vies, puis la monnaie. En tout cas, bref. Enfin, bref, c'est ça. Je trouve ça intéressant. C'est un très bon jeu. C'est vrai, moi je suis bien d'accord. C'est un jeu auquel j'en reviens souvent. Qui est pas dans mon top 3, malheureusement. Ouais, Guillaume, je vais faire ton top 3. Oui, je vais vous parler de mon top 3. Et vous allez être très très surpris. Pour commencer, je voudrais faire quelques mentions honorifiques. Premièrement, Super Mario Land 2. J'adore ce jeu. Je le speedrun comme casual. J'aime beaucoup aussi, mon doux qu'elle mentionne, Day of Reckoning, un jeu de lutte sur la GameCube. Et on a dû briser des manettes sur ce jeu-là. C'est un sacré bleu. C'était incroyable. Puis je voulais faire aussi un shout-out à tous les jeux NHL en général, 2009-2012, que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas mes deux préférés. 94-96-2003. Enfin, bref. mon troisième jeu préféré, je dirais, c'est Banjo-Kazooie. Ben ça, je suis là, tu m'étonnes pas trop. Non, je t'étonne pas trop. C'est un jeu d'aventure à grand... Voyons, j'en parlais la semaine passée. Une grande aventure complètement formidable, avec des personnages originaux, une musique incroyable, des graphismes qui étaient quand même respectables pour le Nintendo 64. Et c'est un travail de Rare qui est rarement un travail moche dans ces années-là. Ça, c'est mon troisième jeu préféré. Deuxième jeu préféré, pour certains, ce sera une surprise, pour d'autres non, c'est Shantae and the Pirate's Curse. C'est un jeu indépendant développé par je ne sais même plus quel studio. Wayforward. Bon, merci Maxime. La compagnie qui arrête pas de postponer la sortie du nouveau Shantae que j'ai racheté. Avec un Kickstarter, j'ai hâte de le recevoir. Shantae, je trouve vraiment que c'est une héroïne originale, puis complètement capotée. Ceux qui la connaissent pas, c'est une pirate avec des cheveux mauves. Elle a un esprit de génie. Enfin bref, puis elle donne des attaques avec ses cheveux, puis elle est vraiment badass. Et ça, tu vas te déguiser en sœur Halloween? Non, mais c'est tellement une bonne idée, Rosalie. En tout cas, tiens ça, c'est une bonne idée, je te déguiser en Shantae. Enfin bref, ça c'est mon deuxième jeu préféré, la musique est vraiment cool. Je vous conseille vraiment d'aller le télécharger, j'avais téléchargé en rabais même, il m'avait coûté genre 6$. Là. Il coûte vraiment pas cher, puis c'est vraiment excellent. Mon jeu préféré, je pense, vous allez être vraiment surpris. Pour le replay value... Pour le facteur plaisir, pour le facteur amélioration, de comment tu peux t'améliorer, pour le facteur stratégie, je dois nommer Minesweeper comme mon jeu préféré. Guillaume! C'est même pas une blague. Le jeu de démineur, tant qu'à moi, c'est le meilleur jeu qui a jamais été inventé. Mais en fait, moi ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que en réalité, c'est comme le premier jeu, selon moi, qui a été inventé que... Il pouvait pas exister ailleurs. Ouais, effectivement. C'est bien vrai, ça pouvait pas exister. Pong, tu peux faire un jeu de tennis, ouais, pour de vrai, puis sinon, après ça, c'est des jeux de sport, ouais. Des jeux de virage de cartes que tu, ouais, peux faire, mais Minesweeper, tu peux pas faire un jeu de société avec ça. Non. Tu peux pas exister en vrai. C'est un jeu qui est purement théorique, qui peut juste exister en format électronique. Exactement. Puis moi, personnellement, je travaille dans une salle de quai. Quand c'est mort, je joue aux démineurs. J'ai développé toutes sortes de stratégies. J'améliore mon temps comme à chaque semaine. Puis je m'en viens vraiment bon pour jouer aux démineurs. Je passe le mode expert à toutes les semaines. Puis pour vrai, je trippe comme un enfant. Il y a beaucoup de monde qui comprennent rien. Ils font juste peser. Puis ça, comme, allez, ça, je trouve ça un peu con. Ben, c'est juste la stratégie. C'est pas très compliqué. Mais, mon doux, le replay value est excellent. Je veux dire, chaque partie est indépendante puis est différente. Ce qui fait que voilà, c'est les trois jeux que je préfère. Maxime, pour ta part, ben, là, qu'est-ce qu'on a? Moi, il me reste pas beaucoup de temps, mais je vais faire trois petits shout-out avant que ça commence. Trois jeux que j'ai joué beaucoup et que j'aime beaucoup. Chibi Robot, oui. C'est un jeu incroyable, avec une histoire incroyable, dans un setup complètement différent de tout. C'est vraiment cool, je checkerai ça. Red Steel, qui est un jeu de fusil qui est pas très bon, mais moi, j'aime pas beaucoup les jeux de fusil, mais je trouve que ça se tire bien avec la manette de Wii. Puis le mode à 4 joueurs... Chaque personne a sa manette, puis là, ça te donne une mission dans ton oreille qui peut être de tuer un autre joueur, puis des affaires de même. C'est vraiment flyé. Un personnage qui est un dinosaure, mais son bras, c'est pas un dinosaure. En tout cas, ça, c'est drôle. Continue. Et je vais faire un shout-out à Stepmania, qui est un jeu que j'ai mis des... j'ai dû mettre des centaines d'heures dans ce jeu-là, au secondaire. C'est vraiment cool, c'est comme un DDR, mais sur le clavier. Oui. Bref, on va tomber dans mon vrai top 3. Mon numéro 3, c'est un peu un cheat. C'est tous les jeux de sport de Mario. Oh, c'est vrai que c'est sauf, un cheat. Sauf Mario aux Olympiques. Non. Puis ça... Mario Oops 3 on 3. Je l'ai jamais essayé. T'as jamais essayé? Ça a l'air que c'est quand même cool, ouais, pour vrai. Okay. Mais non, tous les jeux de sport de Mario. Mario Striker, je l'adore. Les Mario Kart, j'adore ça. Mario Kart 7, je torchais les Japonais en ligne. Mario Golf au Game Boy, c'est... y a un RPG, c'est un RPG de golf, c'est malade. Tous les jeux de sport de Mario, c'est vraiment cool. Ouais. Avec un chanteur de tous les jeux de Mario de sport. Mon numéro 2, ça va être Peggle. Peggle! Oh, écoute, tellement un bon choix. Tantôt, je me suis rendu compte que ça existait pour téléphone, je l'ai téléchargé, j'étais extrêmement content. Puis en y repensant, Peggle, je l'ai passé sur Xbox, genre, au moins deux fois. Oh, je l'ai oui, passé oui. sur mon ordi au moins deux fois. Mm-hmm. Puis je l'avais même, il y a même un mode dans WoW où c'est que tu peux installer Peggle. Oui, c'est tellement dans WoW. Puis j'ai passé le Peggle dans WoW. Puis là, je suis en train de jouer sur mon téléphone. J'ai tellement beaucoup joué. J'aime je vais tellement faire un chanteur dans World of Warcraft parce que j'adore ce jeu. Continue, Maxime. Ah oui, c'est un gros chanteur de WoW, un gros chanteur de la Peggle. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est, tu fais juste dropper une bille puis t'as regardé d'aller, mais toute la partie stratégie, puis c'est comme, ah oui, je vais l'avoir. C'est tout cet aspect-là, je l'aime beaucoup. Même si quand tu joues avec d'autres personnes, tu es comme, oh là, le jeu, là, il m'a tout le temps fait perdre. Je déteste cette attitude-là. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup ce jeu-là, puis tu peux même jouer à deux, puis c'est des beaux petits défis. Oui. Et mon numéro 1, ben là, ça va étonner personne, c'est Donkey Kong Country 2. Ouais, classique. Mais je vais quand même inclure Donkey Kong Country 1 et 3, parce que je trouve que dans l'ensemble, ça fait comme un bon jeu. Oui. Mais si j'avais à choisir entre les trois, je mettrais Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, Donkey Kong Country 1. Parce que je trouve que le 1, les secrets sont trop cachés, ça a comme pas rapport. Ouais, puis les mécaniques de gameplay sont un petit peu moins raffinées. Le 2, je pense qu'ils ont hité juste partout. Donkey Kong Country 3, ils ont essayé beaucoup d'affaires qui marchent la plupart du temps. Mais je pense que le kick est pas aussi fort que dans Donkey Kong Country 2. Okay. Fait que pour moi, il est aussi bon. Mais il y a quelque chose qui fait que le 2, il reste plus mémorable que le 3. C'est vrai qu'il est un peu plus mémorable le 2, mais plus j'y rejoue, plus je me rends compte que le 3, je l'aime vraiment beaucoup. Ben, à chaque fois que je rejoue au 3, je suis comme, il est vraiment cool, mais ça reste, je pense que les tableaux sont peut-être juste un petit peu mieux faits dans le 2 qui fait qu'on s'en souvient plus. Fait que... Oh mon dieu, c'est rendu coucou! Eh oui! T'es pas aimé cette semaine, Guillaume! Ouais, vraiment! Hey, as-tu une belle semaine en perspective? J'espère que... Encore beaucoup de travail à mon travail, mais la semaine prochaine, c'est un congé de 3 jours. Ok, hein. Oui! D'accord, on va pouvoir se reposer. Puis, oui. J'espère que tu vas revenir dans notre maison de campagne, Rosalie. Oui, certainement. T'as pas dit beaucoup de commentaires sur nos jeux favoris, mais c'est pas grave. Non, mais je les connais pas tous. Hey, bon Thanksgiving à tous et bon football. J'espère que vous allez regarder les matchs de football du Thanksgiving. Yes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Facebook. D'aller venir nous voir à l'impro. Ok, oui, monsieur. On se revoit la semaine prochaine au 17 Avenue des Pins. Salut, bye. Le 17 Avenue des Pins est une production puissance maximale, d'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.